Elles sont si belles, ces femmes que tu regardes. Méritent-elles que tu baisses la garde? Laisse-les croire que seul l'art t'obsède, qu'aux plus hautes sphères tu accèdes. Ne crains pas d'être un peu trop distant, ne dévoile jamais tes sentiments. Si elles savent que ton désir est grand, tu connaîtras l'asservissement. Mais déjà tu te résignes à l'idée d'être défait, bien qu'en toi rien ne rechigne à tenter encore de ruser. Tu épuises tous tes stratagèmes, car il a mal celui qui aime. Elles sont sûres d'elles, ces femmes qui t'attirent. Tu fais le clown, tu les fais rire. L'amitié est la pire de leurs caresses, ne tient pas compte de leurs promesses. Elles sont si belles, elles sont abeilles, celles qui butinent ta candeur. Quand tu penses qu'elles s'émerveillent d'avoir la tête sur ton cœur, et déjà tu te résignes à l'idée d'être défait, bien qu'en toi rien ne rechigne à tenter encore de ruser. Tu épuises tout ton stratagème, car il a mal ce